C'est certain que nous sommes, nous, pays du Sud, pour l'instant, qui n'avons pas accès aux marchés financiers directement. Nous sommes encore sur des interrogations. Est-ce que cela va effectivement affecter l'aide publique au développement? Est-ce que cela va affecter les relations commerciales que nous avons avec ces pays du Nord? Est-ce que nous allons avoir des distorsions encore sur le marché de nos matières premières? Alors tout cela, ce sont encore des interrogations que nous avons et nous espérons qu'avec l'idée d'une réflexion mondiale sur cette crise, ses conséquences, mais surtout sur les enseignements à tirer pour refonder en quelque sorte ce marché financier international, je crois que nous verrons plus clair. Non, je ne pense pas que nous en sommes là parce que le Burkina n'a pas accès à ce marché financier. Le Burkina a une économie réelle qui est bâtie sur des réalités économiques de production qui sont telles que pour l'instant, je ne crois pas que nous sommes encore épilogués sur ces questions.